connais maintenant mon blaze. 99 à 2009, légendaire à son coup de blues. Le flow DS numéro 9, j'écris combien de textes, composé combien de sons, rappé combien de prose. Gros, mais je suis fait pour ça. Ma plume, mon sixième doigt, je sais qu'elle fait fureur. Elle est mon sixième sens, tout comme son copain majeur. Ma définition du rap est différente des autres. Moi j'écris donc je suis, et pas qu'en être et avoir. L'écriture c'est mon savoir, l'état c'est mon crachoir. L'angle c'est mon artère et le micro c'est mon parloir. Intouchable est mon art, car tu sais que ça vient du cœur. En sueur devant ce trésor, j'ai TS gravé sur le corps. Sur le corps, sur le corps, sur le corps, sur le corps. Le reggae devenu sa sœur, ils m'ont jeté leur sort. La musique, un bruit qui pense, même sourd avec elle, je suis d'accord. Chaque chanson a ses repères, quand l'open vaut mille discours, je lui mettrai une muselière, le porc dans sa basse-cour. Appelle ça un bruit qui court, comme quoi je peux pas rapper. C'est dans les entretiens que la couleur se fait recaler. Quand t'es bon, y'a pas de soucis, sauf si tes pensées sont en sursis. En sursaut sont tes écrits, j'accrois mon potentiel. Les MC me vénèrent, je prends mon micro et ma paix, je les enterre 9 pieds sous terre. Pieds sous terre, pieds sous terre, pieds sous terre, pieds sous terre, pieds sous terre, pieds sous terre, pieds sous terre, pieds sous terre. J'ai pas de disque d'or, pas de répute de fakir, pas de pute dans mes clips, mais j'ai plein de choses à dire. Les gens préfèrent vos merdes, sauf les connaisseurs. Prends ça dans ta gouverne, tu sais que quand j'écris tu meurs. Je me vois pas comme un caïd, je ne veux pas être le king. Ce sont juste les faits de la weed, y'a que de l'amour sur mon ring. Je suis juste là pour débattre, et pas pour me taper des barres. Ici pas d'homme à abattre, car tu sais que ça devient d'art. Ça devient d'art, ça devient d'art, ça devient d'art. J'ai toujours la même envie et la même rage qu'au début. Des critiques qui m'ont blessé, malgré ça je continue. J'absorbe vos commentaires, en rage de réussir. Je les ferai tous taire quand j'aurai détruit l'empire. Empare-toi de cet instru et tente un flow correct. Et tu verras que la rue n'apprend pas à se connaître. T'écoute, j'entends le chant des combattants, les cris de la révolte, qui est dans les rangs. Je jump sur la rime, les corps, je suis le king, les cris c'est ma dream. T.S. c'est ma team, le flow c'est ma win. Tu t'en bats les seufs, la plume c'est mon kiff. Je n'aime pas les keufs, le neuf c'est ma vie. T.S. c'est mon blast, le rap me sourit, ton flow en blast. Okay. Saute sur l'instru, elle me instruit. M si tu suis, j'écris, donc je suis.